مغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به عن امته الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وصلوات الله على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فان تقوى رب العالمين رفعه في الدنيا ونجاه في الاخره قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون خطبتنا هذه الجمعه عن علم من اعلام التاريخ ومصباح من مصابح الدجى بحياتهم واعمالهم تندفع المحن وبموتهم تتعقب الإحن وتكثر الفتن حديثنا هذه الجمعة عن أحد الأحيار البررة نحن اليوم مع بطل من الأبطال بطل في زهده وفي غناه بطل في شجاعته وفي إقدامه بطل في سلمه وفي حربه عاش بطلا ومات بطلا ويبعثه الله تبارك وتعالى إن شاء بطلا إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن أو أبو التراب كما كناه النبي صلى الله عليه وسلم. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Nous allons parler aujourd'hui dans ce discours d'un personnage parmi les grands personnages de l'histoire. Et ces héros, grâce à leur vie et leurs œuvres, les épreuves disparaissent. Et par leur mort, se succèdent les haines et le désordre. Donc nous allons parler d'un héros dans l'abstinence et dans la richesse. Un héros dans son courage et sa bravoure. Un héros en temps de guerre et de paix. Il a vécu en héros et est mort en héros. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le veut, le ressuscitera en héros. Ce personnage est Ali ibn Abi Talib, Abu al-Hassan ou bien Abu Turab, comme lui a donné ce surnom le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibad Allah. لقد كان علي رضي الله عنه من الذين أسلموا في أول البعثة وهو أول من أسلم من الصبيان حيث كان عمره يقارب ثمان سنوات أو عشر حسب ما جاء في السياق وقد كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام معونة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حيث كان كثير العيال قليل المال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عنده وحينما حضرت الوفاة أبا طالب حاول النبي صلى الله عليه وسلم معه أن ينطق بالشهادتين ولكنه لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم ومات كافرا وبعدها خرج من عنده النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى بيته ثم جاءه علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله مات عمك الشيخ الضال رواه أبو داود فعلي رضي الله عنه مات أبوه ولم يقل أبي مات ولم يتأثر بموته لأنه مات على الكفر فكأنما هو يعلن براءته منه محققا قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم شخص عبد الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه fait de ceux qui ont embrassé l'islam dès le début de la révélation. Il fait partie de ceux qui ont embrassé l'islam dès le début de la révélation. Il est le premier enfant à être devenu musulman, car il n'avait que 8 ans environ, ou bien 10, suivant les versions. Ali vivait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam pour son oncle, Abu Talib, qui avait beaucoup d'enfants et peu d'argent. Donc il vivait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, lorsque la mort vint à Abu Talib, le père de Ali, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenta de lui faire prononcer la shahada, le hadith est célèbre dans le Bukhari et le Muslim, mais que ce dernier refusa et mourut mécréant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez Abu Talib et rentra chez lui, Ali est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ma ta'amuka al-shaykh al-dal » C'est-à-dire « Ô messager d'Allah, ton oncle est mort, le vieux égaré » rapporté par Abu Daoud. Donc son père est décédé et malgré cela, il n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Mon père est mort » et ne fut pas touché par sa mort car il était mort mécréant. Et comme si Ali radiallahu anhu, s'il voulait annoncer son désavouement vis-à-vis de son père et appliquant le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. » Ayyuhal mu'minun. Min fadaili Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahu zawju sayyidati nisa'i ahli al-janna Fatima radiyallahu anha wa abu sayyidi shabab ahli al-jannati al-Hasan wa al-Husayn radiyallahu anhuma. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an Ali radiyallahu anhu innahu la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Rawahu at-Tirmidhi. Wa qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu laysa nabiyyun ba'di. Muttafaqun alayh. Wa qala aydan li Ali radiyallahu anhu anta minni wa ana mink. Rawahu al-Bukhari. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam man adha aliyan faqad adhani. Rawahu ibn Hibban. Wa qad jaa fi as-sahihayn an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yawm Khaybar لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها أي يخوضون. فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ قالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. فقال صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه فأتي به. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية الحديث. وفتح الله عليه وكان فتح خيبر على يديه رضي الله عنه. شعر مسلمون. Parmi les vertus de Ali, le fait qu'il fut l'époux de la reine des femmes du paradis, Fatima radiallahu anha, et le père des rois des jeunes du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de Ali, « Ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite » rapporté par Al-Tirmidhi. Et il dit également, « Tu es pour moi ce que Harun était pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit à Ali, « Tu es de moi et je suis de toi » rapporté par Al-Bukhari. Et il dit également, « Celui qui fait du tort à Ali, c'est à moi qu'il fait du tort » rapporté par Ibn Hibban. Et dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de Khaybar, la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Demain, je confierai le drapeau à un homme par la main de qui Allah me donnera la victoire, à un homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment. » Tous les musulmans passèrent la nuit dans l'agitation pour savoir à qui on donnerait ce drapeau. Le lendemain matin, les musulmans se rendirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, espérant tous recevoir le drapeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, où est Ali ibn Abi Talib? Les compagnons dirent, ô messager d'Allah, il a mal aux yeux. Le prophète dit qu'on aille le chercher. On l'amena au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui cracha dans les yeux et fit une invocation, et aussitôt Ali fut guéri au point qu'il semblait n'avoir jamais été malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui lui ayant remis le drapeau, Allah donna la victoire aux musulmans le jour de Khayba grâce à Ali ibn Abi Talib. Et voilà le kiram. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة خرج مختفيا متسللا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وترك عليا في فراشه فأتى إليه الكفار شاهرين سيوفهم متوثبين للقتل وإراقة الدماء إلا أنه كان ثابت الجأش لم يخف ولم يضطرب لأنه بطل ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أيها الإخوة الكرام, لقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيرا لم يكن من أصحاب الأملاك ولا تاجرا, ولكن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وكان مهرها درعا حتميا. الدرع حتمية يعني تحطم السيوف. فكان مهر سيدة نساء أهل الجنة وابنة سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم مهرها درع. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida d'émigrer vers Médine, Ali est sorti en cachette et discrètement, il laissa Ali dans son lit. C'est alors que les mécréants vinrent à lui, épée brandie, prêts à tuer et à faire couler le sang. Mais Ali radiallahu anhu avait l'esprit ferme et solide. Il n'eut ni peur ni ne fut angoissé, car il est un héros de l'islam, puis il rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Chers musulmans, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était pauvre et ne faisait pas partie des riches compagnons. Il ne possédait ni de richesse, ni n'était commerçant. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a marié à sa fille Fatima. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il a attaqué ma tardona dinahu wa khuluqahu fazawijou. » Il dit, lorsque vient à vous une personne dont vous agréez la religion et le comportement, mariez-le, car si vous ne le faites pas, il y aura alors sur terre de la grande turpitude et un grand mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agréait l'aspect religieux de Ali et son comportement, c'est pour ça qu'il lui a donné sa fille en mariage, Fatima. Et il a demandé comme dot, Ali a donné comme dot à Fatima une armure. Donc, la dot de la reine des femmes du paradis et de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut une armure. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa fikr hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. الحمد لله وكفى, والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفاء, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, عباد الله, وكذلك أحد العشرة المبشرين بالجنة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في الجنة, والزبير في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, وسعد في الجنة, وسعيد في الجنة, وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الترمذي. وهو كذلك أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا, وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة, فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي. فضائله رضي الله عنه جمة لا تحصى, ومناقبه كثيرة لا تعد. وقد ورد عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال, لم ينقل لأحد من الصحابة من الفضائل ما نقل لعلي رضي الله عنه. Chers musulmans, Ali fait également partie des 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Abdurrahman ibn Auf nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Bakr Abdurrahman ibn Auf est au paradis, Sa'd est au paradis, Sa'id est au paradis, et Ubaydah ibn Jarrah, Abu Ubaydah ibn Jarrah est au paradis, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Il est également le quatrième calife de l'islam, ceux dont il nous est ordonné de suivre leur voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui vivra verra de très nombreuses divergences. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Attachez-vous-y de toutes vos forces. Rapporté par At-Tirmidhi. Et les vertus et les qualités de ce compagnon sont très nombreuses. Et l'imam Ahmed radiallahu anhu disait, il n'a pas été rapporté sur un compagnon comme vertu ce qui a été rapporté sur Ali. Ibadallah. كان من أعلم الصحابة رضي الله عنه بأسباب نزول القرآن ومعرفة تفسيره يشهد لهذا ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب فإذا كان هذا شأن ابن عباس رضي الله عنه وهو من هو في فهم القرآن وترجمان القرآن فكيف والحال كذلك بمن أخذ عنه. Chers serviteurs d'Allah, Ali est également un des savants, un des compagnons les plus savants dans l'explication du Coran et sa connaissance. Pour cela, la parole de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il nous dit, ce que je connais dans le tafsir, je l'ai acquis de Ali ibn Abi Talib. Et tout le monde connaît le statut de Abdullah ibn Abbas dans le Coran, c'est le turjoman du Coran, c'est-à-dire le traducteur du Coran. Que penser alors de celui de qui il a appris ses connaissances? Ibadallah. Lama tufi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, baya Ali Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhuma. فكان أحد وزرائه ومستشاريه وظل طيلة حياة أبي بكر نعم العضو والوزير يساهم في إدارة الدولة وتصريف شؤونها بصدق وإخلاص وكذلك كان مع عمر رضي الله عنه فقد كان له وزير صدق حتى زوجه علي ابنته أم كلثوم وكثيرا ما كان عمر يستخلفه على المدينة إذا غاب عنها وكان في عهد عمر من كبار رجال الدولة الذين تعقد عليهم الآمال حتى جعله عمر من الستة الذين يختار منهم الخليفة بعد موته. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لولا علي لهلك عمر ويروى عنه كذلك أنه قال أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Ali a donné allégeance à Abu Bakr et il était l'un de ses ministres et conseillers. Et il en fut ainsi jusqu'au décès de Abu Bakr. Il participait à la direction de l'État avec sincérité et véracité. Et il en fut ainsi avec Omar radiallahu anhu. Il fut pour lui un ministre sincère, il lui maria même sa fille. Ali donna sa fille en épouse à Omar. Et souvent, Omar le laissait comme chef à Médine lorsqu'il s'absentait. Il était à l'époque de Omar un grand homme de l'État islamique sur qui reposait beaucoup de responsabilités. C'est pour cela que Omar l'a nommé parmi les six qui étaient susceptibles de prendre sa place après sa mort. Omar disait, s'il n'y avait pas Ali, Omar serait perdu. Et il dit également, je demande protection auprès d'Allah de vivre dans un peuple dans lequel tu n'es pas présent, ô Abu al-Hasan. ولما استخلف أو استخلف عثمان بايعه علي رضي الله عنهما فيمن بايعه من الصحابة رضي الله عنه والتزم نصحه ومؤازرته وكان موقفه منه حين ثارت الفتنة موقف الناصح والمدافع عنه ولما أطبق الثوار على قصر خليفة الشهيد أرسل ولديه الحسن والحسين بسيفهما حتى يدافع عن عثمان رضي الله عنه فقتل عثمان رضي الله عنه ومات شهيدا بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وكانت أيامه فيها فتن ومعارك دامية ومع هذه الفتن التي أحاطت بخلافته فقد كان رضي الله عنه شديدا في الحق مقيما العدل خاشعا لله تبارك وتعالى مجتهدا في نصح الأمة يولي الأخيار ويحاسب المقصرين ولا يجامل في الحق أبدا ولا يخاف في الله لومة لائم زاهدا في الدنيا بعيدا عن الترف وكان وكما كانت حياته جهادا فقد كان موته استشهادا رضي الله عنه حيث طعنه الشقي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وهو يصلي الفجر في مسجد الكوفة فكان استشهاده في شهر رمضان سنة 40 من الهجرة. Lorsque Othman fut choisi comme calife après Omar, Ali lui prêta allégeance et il ne cessa de le conseiller et de le défendre et être sincère avec lui. Puis, lorsque la fitna de l'assassinat de Othman éclata, il ne cessa de conseiller et de défendre Othman. Puis, quand les rebelles encerclèrent la demeure du calife Othman, Ali envoya même ses deux fils, Al-Hassan ou Al-Hussein, pour défendre Othman, mais il fut assassiné avant. Puis, les gens prêtèrent allégeance à Ali, radiallahu anhu, après l'assassinat de Othman, et sa période de khilafa fut pleine de conflits et de combats sanglants. Mais malgré tout cela, Ali resta attaché à la vérité et à la justice, et craignant Allah subhanahu wa ta'ala, conseillant la nation, nommant les meilleurs aux hautes responsabilités et demandant des comptes à ceux qui négligent leur poste, attaché à la vérité et ne craignant pas le reproche de quiconque. Très abstinent ici-bas et loin des ornements de ce bas monde, toute sa vie fut un combat perpétuel et il mourut, martyr, poignardé par le malheureux Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji, alors qu'il priait la prière de l'aube à la mosquée de Al-Kufa pendant le mois de Ramadan de l'année 40 de l'Égypte. Ayyuhal muslimun, i'lamu annahu kana radiyallahu anhu dha dhaka'in lammah وعبقرية فذة وبديهة حاضرة ينظر في وجه المرء فيقرأ فيه مخبوء نفسه ويسمع الكلام فيشم به رائحة صدقه أو كذب يأتي السائل المتعنت فلا يجد من علي رضي الله عنه إلا الحجة الدامغة والجواب الشافي جاءه رجل يوما وكان يكره عليا فأقراه ومدحه فقال له علي رضي الله عنه إني لست كما تقول وأنا فوق ما في نفسك وقال له القائل ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت صافية وخلافتك أنت وعثمان متكدرة فقال له علي إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كنت أنا وعثمان من أعوانهما وكنت أنت وأمثالك من أعواني وأعوان عثمان وجاءه فقال له ما أتى عليكم بعد نبيكم إلا نيف وعشرون سنة حتى ضرب بعضكم بعضا بالسيف فقال له علي فأنتم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة شام الزلم سشك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه était doté d'une grande intelligence et d'un génie unique et d'une grande vivacité d'esprit. En regardant le visage de l'individu, Ali pouvait savoir à quoi il pensait. En entendant les paroles, il pouvait reconnaître le vrai du mensonge. Venait à lui une personne obstinée et Ali lui répondait avec des arguments convaincants et clairs. Un homme, le détestant, est venu à lui un jour et a fait ses éloges et a vanté ses mérites. Ali lui a alors dit « Je ne suis pas comme tu le prétends, je suis supérieur à ce que tu ressens pour toi dans ton âme. » Et un autre lui a dit « Comment se fait-il que les périodes de Khilafa, de Abu Bakr et de Omar étaient claires et pures, et les périodes de Khilafa, de toi, enfin ta période de Khilafa et de Uthman sont sombres ?» Comment cela se fait-il ? Ali lui a répondu et lui a dit « Pendant les périodes de Abu Bakr et de Omar, ce sont moi et Uthman qui les aidaient. Et pendant mon khilafa et celui de Uthman, c'est toi et tes semblables qui nous ont aidés. » Un juif, un jour, a dit à Ali, « Il a suffi d'une vingtaine d'années après votre prophète pour que vous vous combattiez mutuellement au sabre. » C'est-à-dire, il critique les musulmans en disant qu'une vingtaine d'années après la mort du prophète sallam, ils se sont combattus au sabre. Ali lui a répondu en lui disant, « Vous, vos pieds n'avez pas encore séché de la mer lorsque vous avez dit à Moussa, « Ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Faradiyallahu anhu al-mu'minin,